Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Merhaban bikum ayyuhal ihwa li hadha ad-dars al-wahid wal-arba'in fi sharh usul al-iman lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Bienvenue chers frères pour ce cours 41 dans l'explication des usul al-iman, les fondements de la foi. De l'imam le Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Nawasil ayyuhal ikhwa al-kalam fi hadith Ali. On continue, chers frères, à aborder le hadith de Ali radiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ala innaha satakunu fitnah. Et donc le hadith de Ali qui stipule qu'il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes il y aura une fitna. Qultu mal makhraj minha ya Rasul Allah. J'ai dit, comment pouvons-nous nous en sortir, ô messager d'Allah? Qala kitabullah. Il a dit le livre d'Allah. Fihi naba'u ma kana qablakum. Celui-ci contient les informations des peuples d'avant vous, les récits des peuples d'avant vous. Et les informations concernant ce qu'il y aura après vous, jusqu'à la fin du hadith. On a cité que le hadith est faible, même très faible. On a cité que la signification, cependant la signification du hadith est correcte. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont cités dans ce hadith sont cités dans d'autres preuves de la législation. Et donc, il y a dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala le jugement de ce qu'il y a entre vous. Et certes, ce Coran, c'est al-fasl qu'on peut traduire par le jugement et par la distinction entre le vrai et le faux. Laysa bil hazl, ce n'est pas une plaisanterie. Fal Quran ayyuha al ikhwa fihi hukm ma baynana. Il y a dans le Coran, nos chers frères, le jugement de tout ce qu'il y a entre nous. J'ai un conflit avec quelqu'un, je regarde ce qu'il y a dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yajibu alayna jami'an. Yajibu alayna jami'an an narji' ila kitabillah. Tabaraka wa ta'ala, idakhtalafna. Il nous est obligatoire à tous de revenir vers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on diverge. Et d'ailleurs, même dans le couple, parfois les problèmes de couple que certains peuvent avoir, à chaque fois, on remarque le fait qu'il y a un éloignement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala sur un sujet précis. Sur un sujet précis. Et donc, il faut vraiment qu'on s'accroche au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tout ce qu'on fait. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u allaha wa ati'u rasoola wa uli l'amri minkum. » Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Les ulama nous disent inna Allah tabaraka wa ta'ala karrara al-fi'l li ta'atihi wa li ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yadhkurhu li ta'ati wali al-amr. Les savants nous citent que Allah azza wa jalla, il a cité le verbe obéir. Il a cité le verbe concernant son obéissance à lui, concernant l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne l'a pas cité concernant l'obéissance de ceux qui détiennent l'autorité. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité. Il n'a pas répété le verbe. Qalu li anna ta'ata wulati al-amr muqayyadatun bi ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala. Car le fait, ils disent les savants, car l'obéissance au gouverneur dépend de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. car on ne peut pas obéir à la créature dans la désobéissance au créateur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit après cela, tout de suite après, il dit « Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul » Si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager. « In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir » Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Wajib, c'est une obligation, les frères. Que ça soit couple, enfant, travail, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, on diverge sur un sujet. On regarde dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal qui nous dit aussi فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans ce qu'il y a comme conflit entre eux. Ils ne croiront pas. Tu peux prier, jeûner, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Tu fais prévaloir la loi de qui que ce soit à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, la yu'minun. Ils ne croiront pas. Même si tu fais 1000 fois de dhuhr, si tu veux. Et donc ce sujet, Olefka, ce sujet est un sujet sérieux. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala contient le jugement de ceux qu'il y a entre nous. Ce n'est pas donc un sujet de décoration, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet important, fait la chaque ayyou al-ikhwa, annahu yajibu alayna an narji'a ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi jami'i ma hasala baynana. Et donc, ô chers frères, il n'y a nul doute concernant le caractère obligatoire du fait de revenir à Allah et à son messager concernant tout ce qu'il peut y avoir comme désaccord entre nous. وَمَنْ قَدَّمَ حُكْمَ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ Celui qui fait prévaloir la loi, une autre loi qu'à celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors celui-ci, il aura mécru et sera sorti de l'islam. فَالْآيَاتُ وَاضِحَةٌ Les versets sont clairs quant à ce sujet, alors تَنَبَّهُ Faites attention, chers frères. وَالْقُرْآنِ هُوَ الْفَصْلِ On a dit que le Coran, c'est الْفَصْلِ, le jugement, la distinction du vrai et du faux. فَإِنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ Le Coran permet de distinguer entre le vrai et le faux. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Celui-ci est Allah, votre Seigneur. الْحَقِّ, la vérité. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, si ce n'est l'égarement? Et donc il nous est obligatoire, ô chers frères, de faire attention à cela, à ce qu'il y a dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et vraiment ce chapitre que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a placé dans ce livre, est un chapitre très important, car combien néglige ce livre, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa fil hadith. Il y a aussi dans le hadith « Mani betara al-huda min ghayrihi adallahu Allah » Celui qui recherche la guider par un autre moyen que celui-ci, donc par un autre moyen que le Coran, Allah, il l'égare. Tu recherches la guider par un autre moyen que le Coran, Allah, tabaraka wa ta'ala, t'égare si tu fais cela. « Wa hadha wadihun ayyu al-ikhwa fil hadithi as-sabiq » Et cela est clair, ô chers frères, dans le hadith précédent, le hadith qu'on a vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Je vous ai laissé, après moi, je vous ai laissé ce avec quoi vous n'allez point vous égarer si vous vous accrochez à celui-ci. » Le livre d'Allah. Et donc, on comprend clairement ici que si tu vas chercher autre que le livre d'Allah, tu vas t'égarer. Si tu vas chercher autre que le livre d'Allah, tu vas t'égarer. Et donc, il faut faire attention aux chers frères. Il y a aussi, dans ce hadith, la description du Coran. « Wa huwa hablullahi al-matin, wa huwa dhikru al-hakim, wa huwa siratul mustaqim. » Et c'est le câble solide d'Allah. Et c'est le rappel sage et la voie de rectitude. Dans ce hadith, énormément de sujets quant à la description du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku » Accrochez-vous fermement au câble d'Allah, tous, et ne vous divisez pas. Le câble d'Allah, on a déjà cité les savants du tafsir, certains qui nous disent « C'est Al-Qur'an », certains qui disent « Huwa Al-Qur'an wa Sunnah », certains qui disent « Huwa Al-Islam », etc. Et les ulama nous disent « Il n'y a aucune contradiction entre ça et ça. Pourquoi ?» Al-Qur'an, Huwa Sunnah. Tu ne peux pas prendre le Qur'an sans la Sunnah. Tu ne peux pas prendre la Sunnah sans le Qur'an. Et lorsque tu prends la Sunnah et le Qur'an, « Fahaza Huwa Al-Islam ». Et donc, il n'y a pas de contradiction. C'est ça le câble d'Allah sur lequel on doit tous s'accrocher. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ » Voilà ce que nous te récitons parmi les versets ainsi que le rappel sage. Et il y a aussi dans ce hadith « وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَا » وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِ Et aussi donc, les savants ne se lassent pas. Les savants ne se lassent pas du Coran. Et aussi, ils ne ressentent aucune gêne par le fait de le lire et de le relire, de le répéter plusieurs fois. Ayyuha al-ikhwa, قال عثمان ibn Affan رضي الله عنه لو زكت نفوسنا ما شبعنا من كتاب الله عثمان ابن عفان رضي الله عنه il dit si nos âmes étaient pures nous ne nous serions pas lassés du livre d'Allah car en réalité quand on se lasse du livre d'Allah c'est qu'on a un problème à l'intérieur quand tu es là tu lis deux minutes et après What's up? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Et que tu te lasses, tu n'arrives pas à faire plus. Hein? C'est qu'on a un problème, il faut qu'on corrige. Il faut qu'on fasse attention à ça, aux chers frères. Il y a aussi dans ce hadith, « Man qala bihi sadaq, wa man amila bihi ujir » Celui qui va dire quoi que ce soit en se basant sur le Coran, il aura dit la vérité. Et celui qui œuvre avec celui-ci sera récompensé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Allah, il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors de lui. Il va certes vous rassembler au jour de la résurrection. Il n'y a nul doute en cela. Wa man asdaqu min Allahi haditha. Et qui est plus véridique qu'Allah? Qui est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala? Ayyuha al-ikhwa, law kunna na'taqidu anna Allah tabaraka wa ta'ala la asdaqa minhu, fa kayfa namil wa kayfa nuqaddimu ghayrahu? Oh chers frères, si on a réellement la croyance qu'il n'y a pas plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comment pouvons-nous pencher? Comment pouvons-nous faire prévaloir la parole d'autrui. Comment ? C'est une contradiction. وكذلك أيها الإخوة هذا القرآن ليس المراد منه القراءة أو الحفظ المجرد. Et aussi, aux chers frères, il n'est pas voulu de ce livre, le Coran, seulement qu'on le lise. Ou qu'on le mémorise. Ce n'est pas ça l'objectif, que tu le lises seulement ou que tu le mémorises seulement. Mais cependant, ce qui est voulu, l'objectif, le grand objectif, Man amila bihi ujir. Celui qui œuvre avec celui-ci est récompensé. An na'mala bi hadha al-Qur'an. Le fait qu'on œuvre avec ce Coran. Lidhalika wasafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ahla al-Qur'ani bi annahum alladhina kanu ya'maluna bihi fi ad-dunya. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit les gens du Coran comme étant ceux qui œuvraient avec ici-bas dans la dunya. Ceux qui œuvraient avec. Et donc il est important, cher frère, qu'on fasse des efforts sur nous-mêmes pour lire ce livre, pour savoir ce qu'il contient et œuvrer avec. Moi, ça m'attriste, moi, subhanallah, j'ai entendu une parole, les frères, qui m'a choqué. Une parole qui m'a choqué. On parlait donc de braquage qu'il peut y avoir dans des quartiers. Le fait que parfois ça peut être dangereux. Des gens qui vont voler des voitures. Et c'est là, subhanallah, certains frères, ils m'ont dit ce que font certaines personnes pour qu'on ne touche pas à leur voiture. Ils mettent le Coran dedans. Comme ça, celui qui s'approche, il voit le Coran et ah non, ça c'est la voiture de quelqu'un, de pieux ou je sais pas quoi. Et comme ça, il ne touche pas à la voiture. C'est ça l'utilité du Coran. Protéger ta voiture. Et toi-même. Est-ce que tu cherches à te protéger du feu? Et donc vraiment, au cher frère, nous avons méprisé, nous avons rabaissé ce livre. Nous devons élever ce livre, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela commence par le fait de le lire, de ne pas le prendre comme objet de décoration. Le Coran n'est pas un objet de décoration. Dans combien de maisons musulmanes, de combien de maisons de musulmans, tu vas rentrer, tu vas trouver dedans, affiché en grand haut, Yassine ou autre, etc., etc. Ils te mettent des versets comme ça, des versets du Coran dans la maison. Décoration en vert, en jaune, en couleur dorée ou je ne sais pas. C'est ça l'utilité du Coran. C'est ça l'utilité du Coran, la décoration. Le livre d'Allah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu l'utilises comme tu vas utiliser un vulgaire outil de décoration. Par Allah, certes, on a rabaissé le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La communauté musulmane, nous avons délaissé le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et nous l'avons rabaissé. Il convient qu'on revienne vers ce livre, qu'on s'accroche à celui-ci. Voilà pourquoi ce chapitre qu'on fait en ce moment, il est très, très, très, très important. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous placer tous parmi les gens du Coran, ceux qui le lisent et qui œuvrent avec. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.